Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre chapitre 13 et nous allons voir une autre parabole. Notre Père du ciel, c'est par ton Esprit Saint que nous comprenons toutes choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Instruis-nous, montre-nous, fais-nous comprendre un autre mystère du royaume. Fais-nous comprendre une autre vérité qui avait été cachée de tous les temps, afin qu'on comprenne bien le royaume des cieux, et qu'on soit fortifié dans notre foi que nous sommes dans le royaume des cieux. Amen. Lisons ensemble à partir du verset 24. Nous allons lire deux parties, à partir du verset 24 jusqu'à 30, et ensuite ça, à partir du verset 36 jusqu'à 43. On va lire la parabole et son explication. Je crois que c'est plus facile pour nous de le comprendre comme cela. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe fut poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, cette parabole, ce matin, nous enseigne une autre vérité. Et je crois que Jésus veut, encore une fois, rétablir une fausse conception du royaume des cieux de la part des Juifs. Les Juifs croyaient que quand le Messie viendrait, il ferait mourir tous ceux qui font pas partie du peuple juif et qui libéreraient les Juifs de leurs ennemis et qu'il établirait un royaume seulement qu'avec les Juifs et qu'eux autres, en tant que peuple de Dieu, régneraient sur les impies. Ou ce que j'ai lu, même qui détruirait tout le restant, qui garderait seulement que les Juifs, le peuple élu de Dieu. Jésus, par cette parabole ici ce matin, dit non. Encore une fois, dans cette histoire de semences, c'était très naturel pour eux autres de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Quand j'ai suivi mon cours en horticulture, on nous disait, quand vous achetez de la semence, achetez de la semence certifiée. Achetez de la semence qui est bonne. Parce que si vous achetez de la mauvaise semence, vous allez peut-être avoir autant de mauvaises herbes dans votre semence que de pelouse ou de d'autres choses. Donc, achète de la semence que juste la graine de semence que tu vas avoir dedans. Si tu achètes du blé, mais achète pas du blé que toutes sortes de petites graines dedans qui n'est pas du blé. Et c'est ce que ici, les serviteurs pensent, ils disent, mais n'as-tu pas semé une bonne semence, une semence certifiée dans ton champ? Comment ça que l'ivraie pousse en même temps que le blé. Et là, ils disent, veux-tu qu'on aille l'arracher? Veux-tu qu'on aille l'arracher? L'ivraie? Il dit, ben non. Si vous arrachez l'ivraie, vous allez arracher aussi le blé. Les racines se sont toutes croisées. En arrachant un, vous allez arracher l'autre. J'aurai plus rien. Il dit, laissez pousser les deux en même temps. Et à la fin, à la moisson, pendant qu'on va récolter, là, c'est pas grave si on arrache le blé, parce que, anyway, c'est le temps de le couper et de ramasser la récolte. Donc, ce sera pas grave à ce moment-là. Donc, il dit, laissez pousser l'ivraie et le blé en même temps, et à la fin, à la moisson, on va séparer les deux, l'ivraie va le jeter dans le feu, et le blé va être amassé dans le grenier. Scène très typique d'une société, en grande partie, qui vivait de l'agriculture. L'interprétation que Jésus donne maintenant de cette parabole, au verset 36. Mais vous, les disciples l'ont entendu, mais ils la comprennent pas. Eux autres aussi, ils ont un blocage. Eux autres aussi ont été élevés avec la pensée juive, avec une mauvaise compréhension du royaume des cieux. Et frères et sœurs, combien nous autres aussi, on a besoin de faire un ménage dans ce qu'on pense. Et de laisser ces principes-là nous dire comment le royaume des cieux va fonctionner. Il dit, dans le royaume des cieux, on a vu hier, c'est pas tout le monde qui va y rentrer. Pas tout le monde qui va y rentrer. Et ici, il dit, il explique. Il dit, au verset 37, il dit, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, le roi. On a vu que le Fils de l'homme, c'était le Messie, un titre messianique. Donc, il parle de ce temps-là où ce que lui est là. Lui est là. Il dit, le Fils de l'homme sème. Qu'est-ce qu'il sème? Mais il sème la parole. Hein? Il sème la parole de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les malins. Donc, on comprend. Il dit, le fils de l'homme qui sème, lui, il sème des fils du royaume. Puis il y a un ennemi qui vient, puis lui, il sème des fils du malin. Les deux vont cohabiter. C'est ce qu'il va rétablir comme idée ici. Donc, les fils du royaume et les fils du malin, ceux qui ne font pas partie du royaume, ceux qui ne croient pas en Jésus comme le Messie, ceux qui n'acceptent pas le royaume de Dieu, vont pas être enlevés. Les deux vont cohabiter. Les deux vont vivre dans la même maison, dans la même rue, dans la même ville, dans le même village, dans le même pays. Il dit, oubliez ça, le fait que je vais vous séparer, puis on va enlever tous les méchants, puis ça va être juste vous, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va vivre parmi les autres. C'est pour ça qu'il pense, qu'il parle ici, la bonne semence, c'est le monde, c'est plus large que juste Israël. Il dit, les deux vont vivre ensemble. Parce que les Juifs pensaient que le Messie enlèverait les autres, détruirait les autres, enlèverait les Romains d'Israël, et que les Juifs prendraient possession d'Israël et vivraient eux autres là. Le peuple de Juifs, les élus de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Jésus dit non. Non, non, non, non. Les deux vont cohabiter pendant le temps du royaume. Pendant ce qu'on appelle aujourd'hui le temps de l'Église. Les deux vont cohabiter. Les deux vont vivre ensemble. Et toutes les... Quand on lit à la fin de Matthieu, mais qu'on regarde le temps de la fin, on va bien voir que ça va être demain. Et que si vous lisez l'Apocalypse, c'est comme ça que ça se passe aussi. Donc, il dit, les deux vont vivre ensemble. Les fils du malin et les fils du royaume vont vivre ensemble. C'est à la fin du monde qu'on va faire la séparation des deux. Il dit, à la fin du monde, quand le Fils de l'homme va avoir fini de semer, et que tous les fils du royaume sont semer, si je peux dire comme cela. À la fin des temps, on va, c'est là que lui, le Fils de l'homme, il dit qu'il va envoyer ses anges. C'est pas les êtres humains qui vont faire la séparation de tout ça. C'est les anges qui vont venir de la part du Fils de l'homme et qui vont séparer les fils du malin puis les fils de l'homme. Les fils du malin puis les fils du royaume, excusez. Parce que il semble que c'est à ce moment-là que ça va se faire. Il faut accepter de vivre parmi le monde. Faisons pas, partons pas des couvents, partons pas des communes, partons pas des monastères pour s'isoler du monde, mais nous vivons dans le monde, parmi les gens, les fils du malin, et c'est là que nous brillons. C'est là que nous brillons. Pendant un temps, parmi les fils du malin. Lui, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les fils du malin? Ils vont les prendre, puis ils vont les jeter comme livrés dans la fournaise ardente. C'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. On parle ici de l'enfer. Il dit au verset 43, « Alors, les justes, qui sont les fils du royaume, vont resplendir comme le soleil dans le royaume du Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » C'est à ce moment-là qu'il va avoir dans le royaume des cieux seulement que les justes. Seulement que les fils du royaume. Seulement que les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse que il n'y a rien d'injuste qui va entrer dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a rien. Ce qui va rentrer dans la nouvelle Jérusalem, c'est les justes et les justes uniquement. Pendant qu'on est ici-bas, avant la fin du monde, les enfants du royaume et les enfants du malin vont cohabiter ensemble. Ça, c'est la deuxième vérité. La deuxième chose cachée depuis la création du monde. Le deuxième mystère révélé par le Fils de l'homme, par le roi. Quand le Messie va venir, il ne va pas faire mourir tous ceux qui ne veulent pas croire en lui, comme un roi faisait dans le temps. Quand un roi venait dans le temps et qui par la guerre prenait possession d'un nouveau pays, souvent il faisait mourir tout le monde. Regardez l'histoire de l'Ancien Testament, regardez les grands rois. Et souvent, ils faisaient mourir une grande partie du peuple, ils en déportaient d'autres. C'était un vrai massacre. Mais il dit, le Fils du royaume va pas faire ça. Le Fils de l'homme va pas faire ça. Le Messie va pas faire ça. Le Messie va semer dans le monde par la nouvelle naissance, par la régénération, par le fait qu'il va donner son esprit à ses enfants, ils vont vivre dans ce monde parmi les enfants du malin, parmi les fils du malin, parmi les enfants du diable. C'est la vérité qu'il veut qu'on comprenne ce matin. Frères et sœurs, n'essayons pas de nous isoler du monde. Je dis pas qu'il faut embrasser le monde. Je dis pas qu'il faut croire à la philosophie du monde. Je dis pas que maintenant il faut adopter leur façon de penser. Mais il ne faut pas s'isoler. Il faut pas s'isoler. Pendant ma vie chrétienne, au début surtout de ma vie chrétienne, j'ai eu tendance à m'isoler de ma famille, de mes parents, de mes amis. J'ai isolé mes enfants du monde dans lequel on vivait parce que je voulais les protéger du monde. Je m'isolais. Je m'étais fait une espèce de petit monastère. Je voulais pas rester entrer le monde. Jésus dit non. Vous allez vivre ensemble. Vous allez vivre ensemble dans le même monde. Vous allez fréquenter les mêmes écoles, vous allez fréquenter les mêmes magasins, vous allez fréquenter les mêmes restaurants, vous allez fréquenter les mêmes les mêmes usines pour où vous allez aller travailler. Vous allez fréquenter les mêmes places, les mêmes choses. Parce que Dieu veut nous utiliser, là. Il veut nous utiliser maintenant, nous, pour répandre la semence et qu'il y ait d'autres fils du royaume qui s'ajoutent. Donc, ces fils du royaume-là, ben, sont dans ce monde. Et donc, il faut aller vivre dans ce monde pour que Dieu nous utilise, pour qu'il y ait des gens qui se convertissent et acceptent le royaume des cieux. Notre Père du ciel, tu nous as demandé de vivre là, lorsque nous sommes, dans ce monde de ténèbres que nous avons fait partie pendant longtemps, dans ce monde où est-ce qu'il y a des fils du malin alentour de nous et qui vont être en rébellion avec nous. Mais tu nous demandes de vivre là. Tu nous demandes de resplendir là, dans ce monde pour un temps. Et merci de l'espérance que tu nous donnes, qu'un jour, nous serons seuls, seulement les fils du royaume, avec toi dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. C'est notre espérance, Seigneur. C'est ta promesse à tous tes enfants, que le jour vient, que tu vas les enlever, mais ce jour, c'est à la fin du monde. Merci Seigneur de nous avoir révélé encore une fois ce mystère caché de tous les temps. Amen.